La Cité de Dieu de Saint-Augustin, tome 2e, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile, Edmond, Cesset, livre, 7e, Les Dieux choisis. Chapitre 16. D'Apollon, de Diane et des autres dieux choisis. Ils veulent qu'Apollon soit devin et médecin, et cependant, pour lui donner une place dans l'univers, ils disent qu'il est aussi le soleil, et que sa sœur Diane est la lune et tout ensemble la déesse des chemins. De là vient qu'ils la font vierge, les chemins étant stériles, et s'ils donnent des flèches aux frères et à la sœur, c'est comme symbole des rayons qu'ils lancent du ciel sur la terre. Vulcain est le feu, Neptune l'eau, Dissourcus l'élément inférieur et terrestre. Liber et Cérès président aux semences, le premier à celle des mâles, la seconde à celle des femelles, ou encore l'un à ce qu'elles ont de liquide, et l'autre à ce qu'elles ont de sec. Et il rapporte tout cela au monde, c'est-à-dire à Jupiter, qui est appelé père et mère, comme répandant hors de soi toutes les semences et les recevant toutes en soi. Ils veulent encore que la grande mère des dieux soit Cérès, laquelle n'est autre chose que la terre, et qu'elle soit aussi Junon. C'est pourquoi on la fait présider aux causes secondes, quoique Jupiter, en tant qu'il est le monde entier, soit appelé, comme nous l'avons vu, père et mère des dieux. Pour Minerve, dont ils ont fait la déesse des arts, ne trouvant pas une étoile où la placer, ils ont dit qu'elle était l'éther, ou encore la lune. Vesta passe aussi pour la plus grande des déesses, en tant qu'elle est la terre, ce qui n'a pas empêché de lui départir ce feu léger mis au service de l'homme, et qui n'est pas le feu violent dont l'intendance est à Vulcain. Même argument dans la bouche de Balbus chez Cicéron, de la nature des dieux, livre 2, chapitre 2. Ainsi tous les dieux choisis ne sont que le monde, les uns le monde entier, les autres, quelques-unes de ses parties. Le monde entier, comme Jupiter, ses parties, comme Genius, la grande mère, le soleil et la lune, ou plutôt Apollon et Diane. Tantôt un seul dieu en plusieurs choses, tantôt une seule chose en plusieurs dieux. Un dieu en plusieurs choses, comme Jupiter, par exemple, qui est le monde entier et qui est aussi le ciel et une étoile. De même, Junon est la déesse des causes secondes, et elle est encore l'air et la terre, et elle serait en outre une étoile, si elle l'eût emportée sur Vénus. Minerve, elle aussi, est la plus haute région de l'air, ce qui ne l'empêche pas d'être en même temps la lune, qui est pourtant située dans la région vent la plus basse. Voici enfin qu'une seule et même chose est plusieurs dieux. Le monde est Jupiter, et il est aussi Janus. La terre est Junon, et elle est aussi la grande mère et Cérès. Chapitre 17. Varron lui-même a donné comme douteuse ses opinions touchant les dieux. On peut juger, par ce qui précède, de tout le reste de la théologie des païens, ils embrouillent toutes choses en essayant de les débrouiller et courent à l'aventure, selon que les pousse ou les ramène le flux ou le reflux de l'erreur. C'est au point que Varron a mieux aimé douter de tout que de rien affirmer sans réserve. Après avoir achevé le premier de ses trois derniers livres, celui où il traite des dieux certains, voici ce qu'il dit sur les dieux incertains au commencement du second livre. Si j'émets dans ce livre des opinions douteuses touchant les dieux, on ne doit point le trouver mauvais. Libre à tout autre, s'il croit la chose possible et nécessaire, de trancher ses questions avec assurance. Pour moi, on m'amènerait plus aisément à révoquer en doute ce que j'ai dit dans le premier livre, qu'à donner pour certain tout ce que je dirai dans celui-ci. C'est ainsi que Varron a rendu également incertain, et ce qu'il avance des dieux incertains, et ce qu'il affirme des dieux certains. Bien plus, dans le troisième livre, qui traite des dieux choisis, passant de quelques vues préliminaires sur la théologie naturelle aux folies et aux mensonges de la théologie civile, où, loin d'être conduit par la vérité des choses, il est pressé par l'autorité de la coutume. « Je vais parler, dit-il, des dieux publics du peuple romain, de ces dieux à qui on a élevé des temples et des statues, mais, pour me servir des expressions de Xénophane de Colophon, je dirai plutôt ce que je pense que ce que j'affirme, car l'homme a sur de tels objets des opinions, Dieu a la science. Ce n'est donc qu'en tremblant qu'il promet de parler de ces choses, qui ne sont point à ses yeux l'objet d'une claire compréhension et d'une ferme croyance, mais d'une opinion incertaine, étant l'ouvrage de la main des hommes. Il savait bien, dans le fait, qu'il y a au monde un ciel et une terre, que le ciel est orné d'astres étincelants, que la terre est riche en semences, et ainsi du reste. Il croyait également que toute nature est conduite et gouvernée par une force invisible et supérieure qui est l'âme de ce grand corps, mais que Janus soit le monde, que Saturne, père de Jupiter, devienne son sujet, et autre chose semblable, c'est ce que Varron ne pouvait pas aussi positivement affirmer. Chapitre 18. Quelle est la cause la plus vraisemblable de la propagation des erreurs du paganisme? Ce qu'on peut dire de plus vraisemblable sur ce sujet, c'est que les dieux du paganisme ont été des hommes à qui leurs flatteurs ont offert des fêtes et des sacrifices selon leurs mœurs, leurs actions et les accidents de leur vie, et que ce culte sacrilège s'est glissé peu à peu dans l'âme des hommes, semblable à celle des démons et amoureuse de frivolité, pour être bientôt propagé par les ingénieux mensonges des poètes et par les séductions des malins esprits. En effet, qu'un fils impie, poussé par l'ambition ou par la crainte d'un père impie, ait chassé son père de son royaume, cela est plus aisé à croire que de s'imaginer Saturne vaincu par son fils Jupiter, sous prétexte que la cause des êtres est antérieure à leur semence. Car si cette explication était bonne, jamais Saturne n'eût existé avant Jupiter, puisque la cause précède toujours la semence et n'en est jamais engendrée. Mais quoi, dès que nos adversaires s'efforcent de relever de vaines fables et des actions purement humaines par des explications tirées de la nature, les plus habiles se trouvent réduits à de telles extrémités, que nous sommes forcés de les plaindre. Chapitre 19. Des explications qu'on donne du culte de Saturne. Quand on raconte, c'est Varron qui parle, que Saturne avait coutume de dévorer ses enfants, cela veut dire que les semences rentrent au même lieu où elles ont pris naissance. Quant à la mode de terre substituée à Jupiter, elle signifie qu'avant l'invention du labourage, les hommes recouvraient les blés de terre avec leurs mains. À ce compte, il fallait dire que Saturne était la terre, et non pas la semence, puisqu'en effet la terre dévore en quelque sorte ce qu'elle a engendré, quand les semences sorties de son sein y rentrent de nouveau. Et cette mode de terre, que Saturne prit pour Jupiter, quel rapport a-t-elle avec l'usage de jeter de la terre sur les grains de blé? Est-ce que la semence, ainsi recouverte de terre, en était moins dévoré pour cela. Il semblerait, à entendre cette explication, que celui qui jetait de la terre emportait le grain, comme on emporta, dit-on, Jupiter, tandis qu'au contraire, en jetant de la terre sur le grain, cela ne servait qu'à le faire dévorer plus vite. D'ailleurs, de cette façon, Jupiter est la semence, et non, comme Varron le disait tout à l'heure, la cause de la semence. Aussi bien, que peuvent dire de raisonnables des gens qui veulent expliquer des folies? Saturne a une faux, poursuit Varron, comme symbole de l'agriculture. Mais l'agriculture n'existait pas sous le règne de Saturne, puisqu'on fait remonter ce règne au temps primitif, ce qui signifie, suivant Varron, que les hommes de cette époque vivaient de ce que la terre produisait sans culture. Serait-ce qu'après avoir perdu son sceptre, Saturne aurait pris une faux, afin de devenir sous le règne de son fils un laborieux mercenaire, après avoir été aux anciens jours un prince oisif? Varron ajoute que dans certains pays, à Carthage par exemple, on immolait des enfants à Saturne, et que les Gaulois lui sacrifiaient même des hommes faits, parce que, de toutes les semences, celle de l'homme est la plus excellente. Mais qu'est-il besoin d'insister sur une folie si cruelle? Il nous suffit de remarquer et de tenir pour certain que toutes ces explications ne se rapportent point au vrai Dieu, à cette nature vivante, immuable, incorporelle, à qui l'on doit demander la vie éternellement heureuse, mais qu'elle se termine à des objets temporels, corruptibles, sujets au changement et à la mort. Quand on dit que Saturne a mutilé le ciel, son père, cela signifie, dit encore Varron, que la semence divine n'appartient pas au ciel, mais à Saturne, et cela parce que rien au ciel, autant qu'on en peut juger, ne provient d'une semence. Mais si Saturne est fils du ciel, il est fils de Jupiter, car on reconnaît d'un commun accord que le ciel est Jupiter. Et voilà comme ce qui ne vient pas de la vérité se ruine de soi-même, sans que personne y mette la main. Varron dit aussi que Saturne est appelé Chronos, mot grec qui signifie le temps, parce que sans le temps les semences ne sauraient devenir fécondes. Et il y a encore sur Saturne une foule de récits que les théologiens ramènent tous à l'idée de semences. Il semble tout au moins que Saturne, avec une puissance si étendue, aurait dû suffire à lui tout seul pour ce qui regarde la semence. Pourquoi donc lui adjoindre d'autres divinités, comme Liber et Libera, c'est-à-dire Cérès? Pourquoi entrer, comme fait Varron, dans mille détails sur les attributions de ces divinités relativement à la semence, comme s'il n'avait pas déjà été question de Saturne? Chapitre 20. Des mystères de Cérès et Losine. Entre les mystères de Cérès, les plus fameux sont ceux qui se célébraient à Eleusis, ville de l'Attique. Tout ce que Varron dit ne regarde que l'invention du blé attribué à Cérès, et l'enlèvement de sa fille Proserpine par Pluton. Il voit dans ce dernier récit le symbole de la fécondité des femmes. La terre, dit-il, ayant été stérile pendant quelque temps, cela fit dire que Pluton avait enlevé et retenu aux enfers la fille de Cérès, c'est-à-dire la fécondité même, appelée Proserpine, de Proserpère, pousser, lever. Et comme après cette calamité qui avait causé un deuil public on vit la fécondité revenir, on dit que Pluton avait rendu Proserpine, et on institua des fêtes solennelles en l'honneur de Cérès. Varron ajoute que les mystères d'Eleusis renferment plusieurs autres traditions, qui toutes se rapportent à l'invention du blé. Chapitre 21. De l'infamie des mystères de Liber ou Bacchus. Quant au mystère du dieu Liber, qui préside aux semences liquides, c'est-à-dire non seulement à la liqueur des fruits, parmi lesquels le vin tient le premier rang, mais aussi aux semences des animaux, j'hésite à prolonger mon discours par le récit de ses turpitudes. Il le faut néanmoins pour confondre l'orgueilleuse stupidité de nos adversaires. Entre autres rites que je suis forcé d'omettre, parce qu'il y en a trop, Varron rapporte qu'en certains lieux de l'Italie, aux fêtes de Liber, la licence était poussée au point d'adorer, en l'honneur de ce Dieu, les parties viriles de l'homme, non dans le secret pour épargner la pudeur, mais en public pour étaler l'impudicité. On plaçait en triomphe ce membre honteux sur un char que l'on conduisait dans la ville, après l'avoir d'abord promené à travers la campagne. À Lavinium, on consacrait à Liber un mois entier, pendant lequel chacun se donnait carrière en discours scandaleux, jusqu'au moment où le membre obscène, après avoir traversé la place publique, était mis en repos dans le lieu destiné à le recevoir. Là il fallait que la mère de famille la plus honnête ait la couronnée ce déshonnête objet devant tous les spectateurs. C'est ainsi qu'on rendait le dieu Liber favorable aux semences, et qu'on détournait de la terre tout sortilège en obligeant une matrone à faire en public ce qui ne serait pas permis sur le théâtre à une courtisane, si les matrones étaient présentes. On voit maintenant pourquoi Saturne n'a pas été jugé suffisant pour ce qui regarde les semences, c'est afin que l'âme corrompue eût occasion de multiplier les dieux, et qu'abandonnée du Dieu véritable en punition de son impureté, de jour en jour plus impure et plus misérablement prostituée à une multitude de divinités fausses, elle couvrit ses sacrilèges du nom de mystère sacré et s'abandonna aux embrassements et aux turpitudes de cette foule obscène de démons. Chapitre 22. De Neptune, de Salacie et de Vénili. Neptune avait pour femme Salacie, qui figure, dit-on, la région inférieure des eaux de la mer. À quoi bon lui donner encore Vénili? Je ne vois là que le goût dépravé de l'âme corrompue qui veut se prostituer à un plus grand nombre de démons. Mais écoutons les interprétations de cette belle théologie et les raisons secrètes qui vont la mettre à couvert de notre censure. Vénili, dit Varron, est l'eau qui vient battre le rivage, Salacie l'eau qui rentre dans la pleine mer, Salom. Pourquoi faire ici deux déesses, puisque l'eau qui vient et l'eau qui s'en va ne sont qu'une seule et même eau? En vérité, cette fureur de multiplier les dieux ressemble elle-même à l'agitation tumultueuse des flots. Car bien que l'eau du flux et celle du reflux ne soient pas deux eaux différentes, toutefois, sous le vain prétexte de ces deux mouvements, l'âme, qui s'en va et qui ne revient plus, se plonge plus avant dans la fange en invoquant deux démons. Je t'en prie, Varron, et je vous en conjure aussi, vous tous qui avez lu les écrits de tant de savants hommes, et vous vantez d'y avoir appris de grandes choses, de grâce expliquez-moi ce point. Je ne dis pas en partant de cette nature éternelle et immuable qui est Dieu seul, mais du moins selon la doctrine de l'âme du monde et de ses parties qui sont pour vous des dieux véritables. Que vous ayez fait le dieu Neptune de cette partie de l'âme du monde qui pénètre la mer, c'est une erreur supportable. Mais l'eau qui vient battre contre le rivage et qui retourne dans la pleine mer, voyez-vous là deux parties du monde ou deux parties de l'âme du monde, et y a-t-il quelqu'un parmi vous d'assez extravagant pour le supposer? Pourquoi donc vous en a-t-on fait de déesse, sinon parce que vos ancêtres, ces hommes pleins de sagesse, ont pris soin, non pas que vous fussiez conduits par plusieurs dieux, mais possédés par plusieurs démons amis de ces vanités et de ces mensonges? Je demande en outre de quel droit cette explication théologique exile Salacie de cette partie inférieure de la mer où elle vivait soumise à son mari. Car, identifier Salacie avec le reflux, c'est la faire monter à la surface de la mer. Serait-ce qu'elle a chassé son mari de la partie supérieure pour le punir d'avoir fait sa concubine de Vénili? Cette Vénili n'est pas la même dont saint Augustin a parlé au livre 4, chapitre 11. Dans Virgile, Énéide, livre 10, il est question d'une déesse Vénili, qui paraît n'être qu'une nymphe. Chapitre 23. De la terre que Varron regarde comme une déesse, parce qu'à son avis l'âme du monde, qui est Dieu, pénètre jusqu'à cette partie inférieure de son corps et lui communique une force divine. Il n'y a qu'une seule terre, peuplée, il est vrai, d'êtres animés, mais qui n'est après tout qu'un grand corps parmi les éléments et la plus basse partie du monde. Pourquoi veut-on en faire une déesse? Est-ce à cause de sa fécondité? Mais alors les hommes seraient des dieux, à plus forte raison, puisque leur soin lui donne un surcroît de fécondité en la cultivant et non pas en l'adorant. On répond qu'une partie de l'âme du monde, en pénétrant la terre, l'associe à la divinité. Comme si l'âme humaine, dont l'existence ne fait pas question, ne se manifestait pas d'une manière plus sensible, et cependant les hommes ne passent point pour des dieux. Ce qu'il y a de plus déplorable, c'est qu'ils sont assez aveugles pour adorer des êtres qui ne sont pas des dieux et qui ne les valent pas. Dans ce même livre des dieux choisis, Varron distingue dans tout l'ensemble de la nature trois degrés d'âme au premier degré, l'âme, bien que pénétrant les parties d'un corps vivant, ne possède pas le sentiment, mais seulement la force qui fait vivre, celle, par exemple, qui s'insinue dans nos os, dans nos ongles et dans nos cheveux. C'est ainsi que nous voyons les plantes se nourrir, croître et vivre à leur manière, sans avoir le sentiment. Au second degré, l'âme est sensible, et cette force nouvelle se répand dans les yeux, dans les oreilles, dans le nez, dans la bouche et dans les organes du toucher. Le troisième degré, le plus élevé de l'âme, c'est l'âme raisonnable où brille l'intelligence, et qui, entre tous les êtres mortels, ne se trouve que dans l'homme. Cette partie de l'âme du monde est Dieu. Dans l'homme elle s'appelle génie. Varron dit encore que les pierres et la terre, où le sentiment ne pénètre pas, sont comme les os et les ongles de Dieu. Que le soleil, la lune et les étoiles sont ses organes et ses sens. Que l'éther est son âme, et que l'influence de ce divin principe, pénétrant les astres, les transforme en Dieu. De là, gagnant la terre, en fait la déesse Tellus, et atteignant enfin la mer et l'océan, constitue la divinité de Neptune. Que, Varron veuille bien quitter un instant cette théologie naturelle où, après mille détours et mille circuits, il est venu se reposer, qu'il revienne à la théologie civile. Je l'y veux retenir encore. Il me reste quelques mots à lui adresser. Je pourrais lui dire en passant que si la terre et les pierres sont pareilles à nos os et à nos ongles, elles sont pareillement destituées d'intelligence comme de sentiment, à moins qu'il ne se trouve un esprit assez extravagant pour prétendre que nos os et nos ongles ont de l'intelligence, parce qu'ils sont des parties de l'homme intelligent. D'où il suit qu'il y a autant de folie à regarder la terre et les pierres comme des dieux, qu'à vouloir que les os et les ongles des hommes soient des hommes. Mais ce sont là des questions que nous aurons peut-être à discuter avec des philosophes. Je n'ai affaire encore qu'à un politique. Car, bien que Varron semble, en cette rencontre, avoir voulu relever un peu la tête et respirer l'air plus libre de la théologie naturelle, il est très supposable que le sujet de ce livre, qui roule sur les dieux choisis, l'aura ramené au point de vue de la théologie politique, et qu'il n'aura pas voulu laisser croire que les anciens Romains et d'autres peuples aient rendu un vain culte à Tellus et à Neptune. Je lui demande donc pourquoi, n'y ayant qu'une seule et même terre, cette partie de l'âme du monde qui la pénètre n'en fait pas une seule divinité sous le nom de Tellus? Et si la terre est une divinité unique, que devient alors Horus ou Dis, frère de Jupiter et de Neptune? Voyez plus haut, chapitre 16. Que devient sa femme Proserpine qui, selon une autre opinion rapportée dans les mêmes livres, n'est pas la fécondité de la terre, mais sa plus basse partie. Voyez livre 4, chapitre 8. Si l'on prétend que l'âme du monde, en pénétrant la partie supérieure de la terre, fait le dieu 10, et Proserpine en pénétrant sa partie inférieure, que devient alors la déesse Tellus? Elle est tellement divisée entre ces deux parties et ces deux divinités, qu'on ne sait plus ce qu'elle est, ni où elle est, à moins qu'on ne s'avise de prétendre que Pluton et Proserpine ne sont ensemble que la déesse Tellus, et qu'il n'y a pas là trois dieux, mais un seul, ou deux tout au plus. Et cependant on s'obstine à en compter trois, on les adore tous trois. Ils ont tous trois leurs temples, leurs autels, leurs statues, leurs sacrifices, leurs prêtres, c'est-à-dire autant de sacrilèges, autant de démons à qui se livre l'âme prostituée. Qu'on me dise encore quelle est la partie de la terre que pénètre l'âme du monde pour faire le dieu Télumon? Ce n'est pas cela, dira Varron. La même terre a deux vertus. L'une, masculine, pour produire les semences. L'autre, féminine, pour les recevoir et les nourrir. De celle-ci lui vient le nom de Tellus, de celle-là le nom de Télumon. Mais alors pourquoi, selon Varron lui-même, les pontifes ajoutaient-ils à ces deux divinités Altor et Rusor? Supposons Tellus était l'union expliquée, pourquoi Altor? C'est, dit Varron, que la terre nourrit tout ce qui naît. Altor, Daler, nourrir. Et Rusor, c'est que tout retourne à la terre. Saint Augustin, d'après Varron, fait venir Rusor de Rursus, qui marque un mouvement de retour. Chapitre 24. Sur l'explication qu'on donne des divers noms de la terre, lesquels désignent, il est vrai, différentes vertus, mais n'autorisent pas l'existence de différentes divinités. La terre ayant les quatre vertus qu'on vient de dire, je conçois qu'on lui ait donné quatre noms, mais non pas qu'on en ait fait quatre divinités. Jupiter est un, malgré tous ses surnoms. Junon est une avec tous les siens. Dans la diversité des désignations se maintient l'unité du principe, et plusieurs noms ne font pas plusieurs dieux. De même qu'on voit des courtisanes prendre en dégoût la foule de leurs amants, il arrive aussi sans doute qu'une âme, après s'être abandonnée aux esprits impurs, vient à rougir de cette multitude de démons dont elle recherchait les impures caresses. Car Varron lui-même, comme s'il avait honte d'une si grande foule de divinités, veut que Tellus ne soit qu'une seule déesse. On l'appelle aussi, dit-il, la grande mère. Le tambour qu'elle porte figure le globe terrestre. Les tours qui couronnent sa tête sont l'image des villes. Les sièges dont elle est environnée signifient que dans le mouvement universel elle reste immobile. Si elle a des galles pour serviteurs, c'est que pour avoir des semences il faut cultiver la terre, qui renferme tout dans son sein. En s'agitant autour d'elle, ses prêtres enseignent aux laboureurs qu'ils ne doivent pas demeurer oisifs, ayant toujours quelque chose à faire. Le son des cymbales marque le bruit que font les instruments du labourage, et ces instruments sont des reins, parce qu'on se servait des reins avant la découverte du fer. Enfin, dit Varron, on place auprès de la déesse un lion libre et apprivoisé pour faire entendre qu'il n'y a point de terre si sauvage et si stérile qu'on ne la puisse dompter et cultiver. Il ajoute que les divers noms et surnoms donnés à Tellus l'ont fait prendre pour plusieurs dieux. On croit, dit-il, que Tellus est la déesse Ops. Ops, puissance, effort, travail. Parce que la terre s'améliore par le travail, qu'elle est la grande mère, parce qu'elle est féconde, Proserpine, parce que les blés sortent de son sein, Vesta, parce que l'herbe est son vêtement, Vesta, de vestir, et c'est ainsi qu'on rapporte, non sans raison, plusieurs divinités à celle-ci. Soit, Tellus, je le veux bien, n'est qu'une déesse, elle qui, dans le fond, n'est rien de tout cela, mais pourquoi supposer cette multitude de divinités? Que, ce soient les noms divers d'une seule, à la bonne heure, mais que des noms ne soient pas des déesses. Cependant, l'autorité d'une erreur ancienne est si grande sur l'esprit de Varron, qu'après ce qu'il vient de dire, il tremble encore et ajoute « Cette opinion n'est pas contraire à celle de nos ancêtres, qui voyaient la plusieurs divinités. Comment cela, y a-t-il rien de plus différent que de donner plusieurs noms à une seule déesse et de reconnaître autant de déesses que de noms? Mais il se peut, dit-il, qu'une chose soit à la fois une et multiple. J'accorderai bien, en effet, qu'il y a plusieurs choses dans un seul homme, mais s'ensuit-il que cet homme soit plusieurs hommes? Donc, de ce qu'il y a plusieurs choses en une déesse, il ne s'ensuit pas qu'elle soit plusieurs déesses. Qu'ils en usent, au surplus, comme il leur plaira, qu'ils les divisent, qu'ils les réunissent, qu'ils les multiplient, qu'ils les mêlent et les confondent, cela les regarde. Voilà les beaux mystères de Tellus et de la Grande Mère, où il est clair que tout se rapporte à des semences périssables et à l'art de l'agriculture, et tandis que ces tambours, ces tours, ces galles, ces folles convulsions, ces cymbales retentissantes et ces lions symboliques viennent aboutir à cela, je cherche où est la promesse de la vie éternelle. Comment soutenir d'ailleurs que les eunuques mis au service de cette déesse font connaître la nécessité de cultiver la terre pour la rendre féconde, tandis que leurs conditions même les condamnent à la stérilité? Acquièrent-ils, en s'attachant au culte de cette déesse, la semence qu'ils n'ont pas, ou plutôt ne perdent-ils pas celle qu'ils ont? Ce n'est point là vraiment expliquer des mystères, c'est découvrir des turpitudes. Mais voici une chose qu'on oublie de remarquer, c'est à quel degré est montée la malignité des démons, d'avoir promis si peu aux hommes et toutefois d'en avoir obtenu contre eux-mêmes des sacrifices si cruels. Si l'on n'eût pas fait de la terre une déesse, l'homme eût dirigé ses mains uniquement contre elle pour en tirer de la semence, et non contre soi pour s'en priver en son honneur. Il eût rendu la terre féconde et ne se serait pas rendu stérile. Que dans les fêtes de Bacchus une chaste matrone couronne les parties honteuses de l'homme, devant une foule où se trouve peut-être son mari qui suit et rougit de honte, s'il y a parmi les hommes un reste de pudeur, que l'on oblige, aux fêtes nuptiales, la nouvelle épouse de s'asseoir sur un priape, tout cela n'est rien en comparaison de ces mystères cruellement honteux et honteusement cruels, où l'artifice des démons trompe et mutile l'un et l'autre sexe sans détruire aucun des deux. Là on craint pour les champs les sortilèges, ici on ne craint pas pour les membres la mutilation. Là on blesse la pudeur de la nouvelle mariée, mais on ne lui ôte ni la fécondité, ni même la virginité. Ici on mutile un homme de telle façon qu'il ne devient point femme et cesse d'être homme. Chapitre 25. Quelle explication la science des sages de la grâce a imaginé de la mutilation d'Attis? Varron ne dit rien d'Attis et ne cherche pas à expliquer pourquoi l'égal se mutile en mémoire de l'amour que lui porta Cybèle, mais les savants et les sages de la Grèce n'ont eu garde de laisser sans explication une tradition si belle et si sainte. Porphyre, le célèbre philosophe, y voit un symbole du printemps qui est la plus brillante saison de l'année. Attis représente les fleurs, et, s'il est mutilé, c'est que la fleur tombe avant le fruit. À ce compte, le vrai symbole des fleurs n'est pas cet homme ou ce semblant d'homme qu'on appelle Attis, ce sont ses parties viriles qui tombèrent, en effet, par la mutilation, ou plutôt elles ne tombèrent pas, elles furent, non pas cueillies, mais déchirées en lambeaux, si tant s'en faut que la chute de cette fleur ait fait place à aucun fruit qu'elle fût suivie de stérilité. Que signifie donc cet Attis mutilé, serait-ce d'homme? À quoi le rapporter? Quel sens lui découvrir? Certes, les efforts impuissants où l'on se consume pour expliquer ce prétendu mystère font bien voir qu'il faut s'en tenir à ce que la renommée en publiait, à ce qu'on en a écrit. Je veux dire que cet Attis est un homme qu'on a mutilé. Aussi Varron garde-t-il ici le silence, et comme un si savant homme, n'a pu ignorer ce genre d'explication, il faut en conclure qu'il ne la goûta nullement. Markendanarchive.org, 2019, d'après abbaye-saint-benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.